freestyle numéro 4. Un bloc de 10 grammes, y'a pas la vie de palace comme à Buckingham. Vu l'usure du taf et le peu qu'on y gagne. Au pied du mur, un pédocral, hyper s'est bien fait prodiguer. On meurt avec peu de regrets, 34 000 sur le pédigré. On se perd de gré dans le sky, vu que les potes partent au ciel. J'fais plus confiance et j'comprends pourquoi les anciens parlent tout seul. Y'a pas de douceur, si j'm'emporte, m'en veux pas. Mais va pas caresser la bête quand elle est de mauvais poil. Nos vides partent, c'est du réel qu'on façonne avec mes gars. Traîne nos vides clébards, les rêves s'effacent façon Véléda. J'suis pas dans mon assiette, mais j'gaspille pas, j'mange la gamelle. Ouais. Vu que notre train de vie coûte un bras, demande à Jamel. A l'ancienne, dans l'enceinte, on kiffera, c'est le papyrus. Un regard et un verre de trop, on se rend dedans comme des poupées russes. Le tisrat russe de la piraterie, leur père outré. J'ai bloqué en 9-9, nique le rap, tire un trait. Avec des bouteilles en escale, j'suis comme un verre dans le mescal. Tout ça m'esquette et me dessèche. J'perds qu'une balade dans le Mexique. Ici, on kick et les démons nous squat. Faire la boîte à copère, on est des jeunes, mais dans nos têtes, frère, on a l'âge à ton grand-père. Je sers dans mes 16, au coécrit, pétaf la crémière. Qu'est-ce qu'il y a en Saiyan 4, on en a rien à foutre, le cri la meurt. Trouver une splendide casa au bord d'une obésie. En 2011, j'suis en freestyle dans un appart pour bordélique. Roule des pédos d'ici en tiranana. Grandir machallah, puis trouver dans les anti-manana. J'suis comme une écharpe dans la patte d'un lion robuste. Même sans Rio qui nous joue sous des vrais frères se transforme en grosse puce. 109 flanches, un noir inspiré par des sales mélanges. Mon dragon vert est parti en fumée dans la salle des temps. Pas au bar, on est pire qu'un trou noir dans l'atmosphère. Cousin, on tombe tellement rond que même les atomes serrent. Moi j'dis pas car j'en chie là. Remonte dans mes archives et loin de cette monarchie. M'en vais consommer le shit avec Shiva. J'veux pas d'agitation, j'veux de la magie. J'arrache un peu de mon esprit bloqué dans la machine. J'ai l'impression d'être à des milliers de kilomètres et d'observer cet environnement crade qu'est le nôtre et le maître. Dans un petit coin du crâne, et ouais ça craint si tu tapes du point tu crames. La question qu'il faut se poser, sommes-nous tous ravis? Des mains la fleur est bleue comme la couleur des marques. Laisse l'écoute, la vie, ça oui ça dégoûte l'ami. Mais qu'est-ce tu veux, on mange des pains, on bouffe le bout l'ami. Voilà pourquoi la fleur déteint, moi des questions j'en ai des tas. Y'en a sûrement beaucoup acheté, mais franchement la plupart pourraient faire qu'Amberger Einstein. Je suis au bord de l'acheter, j'aimerais tourner la page. Mes rêves sont rayés à l'ombre des barreaux de la cage. Je dis des choses que je pense vraiment, d'autres pour la rime. Comme quand je te dis chérie on s'aimera pour la vie. La vérité c'est triste car la vérité c'est trick. Les équipiers s'équipent triche pour éviter l'échec sur l'échiquier. Le reste laisse que du chiquet y parle. Gagner de la caille, vas-y compare. Nous c'est du pur, eux que tu gagnes. Ce que je gagne pour l'instant rien se cailloler la nuit. Je rêve que je taille au large mais en vrai je me caillolis. Tout ça me bande tout comme ces gars quand elles me mangent. J'irai mes fils, respecte les filles mais méfie-toi des allemandes. Que les mauvaises graines fumant de l'herbe dehors. Jouant les chaînes fortes ne sont au fond que des sols pleureurs sous l'écorce. Que l'époque est drôle mais de la tendresse j'en ai pas des masses. Très balle toujours une paire de masques comme la comédia des larves. Tant bien que mal j'essaie de me fondre dans ce décor à triste allure. Les gens n'ont toujours pas compris que la lune est une cible plus cristallue. Sanji en freestyle pour les 7 boules de cristal. En voyage au centre de l'artère c'est du 109 Kerta. Entraîné pareil les amis raidés de la liste. On fait les bails sans bêler. Tu nous verras bailler sur nos nuages magiques. Sanji en freestyle pour la boule de cristal numéro 4.